MC, on calme, on vit, on se crame en conflit. Oh oui, si on fuit, on s'arme en proche, ragazza. Viens sur la plaza, trahir la causa, chez nous y'a pas ça. Mata, y'a des boules dans le classage, des boules en Y, cascara et on t'émaque, j'ai la classe. Haza, tu vois pas, je suis face à des gros, gros, gros fils de qui savent changer de face, à qui passe. Toi, tu viens pour me dire, fais pas si, fais pas ça, laisse-moi sous le soleil, je vois plus le temps qui passe. Je vois plus le temps qui passe. J'ai le sang, j'ai la veine, ben passe à la casa. Oui, j'envoie du sale son. Tu laissais mon garçon. J't'ai bien sourié, maintenant c'est le regard sombre. Qui se ressemble se rassemble. Qui suce des boules s'assure. T'as des millions de potos, y'a que ta mère qui se rassure. Mineux, ça se fait la guerre, tu t'es gros mineux. Que tu fais le vrai, que tu fais le vrai. T'seras jamais aussi pur que l'eau du robinet. Y'a des donneurs qui s'achètent. Par principe, ça t'achève. Y'a des loups dans la cachette. Ils attendent qu'elle sorte la chef. Y'a des mecs comme ça, j'suis pas bien faux qu'on le sache. C'est le béton ça, toujours faudra bien qu'on sache. Y'a des mecs comme ça, j'suis pas bien faux qu'on le sache. C'est le béton ça, toujours faudra bien qu'on sache. J'vide mon sac, j'vide mon sac, j'vide mon sac, j'vide mon sac, yeah. Regarde la miss, elle est beurre. Rien qu'elle marcelle, elle me dure. Vas-y, ferme ta gueule, roule SDR. Parle pas bébé, laisse faire. J'ai trop laissé passer. J'peux plus me laisser faire. La trahison rôde, tu seras trahi par ton meilleur poteau ou ta puce SFR. Je représente la galère avec Smith et Wesson. Ne lui faites pas du mal, lui laissez-le, il est seul. Ne lui faites pas du mal, lui laissez-le, il est seul. Antol, il s'affole comment le sang, il est sale. Package, vol les petits, on me donne personne. Recette, soleil, les lunettes, persol, disque d'or. J'sais même pas ce que c'est une clé de sol. J'fais gaffe, dans demain, j'peux finir à terre seul. Ok, no stress, espèce de fils de en voie de disparition. Vas-y, mais repeat, si tu veux pas que je répète, que ça laissera l'addition. Y'a des mecs comme ça. J'suis pas bien faux qu'on le sache. C'est le béton ça. Toujours faudra bien qu'on sache. Y'a des mecs comme ça. J'suis pas bien faux qu'on le sache. C'est le béton ça. Toujours faudra bien qu'on sache. J'vide mon sac. J'vide mon sac. J'vide mon sac. J'vide mon sac.